sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Ah, bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Aujourd'hui, cette semaine à l'émission, ce qu'il va y avoir, il va y avoir entre autres du Carquois et du Trois Gars sur le Sofa, qui sont deux groupes qui vont être en spectacle cette semaine à Trois-Rivières. Il va y avoir aussi quelques nouveautés dans ce qu'on a reçu cette semaine à la station. Il va y avoir du Cougar. On va entendre aussi une pièce de Dom Lebeau qui était de passage la semaine dernière, cette semaine en fait, à Trois-Rivières. Mais pour tout de suite, j'ai le goût de commencer avec un petit bloc presque nostalgique. C'est pas si vieux que ça, ça date des alentours de 2005-2006. On va commencer ça avec une pièce de Navet Confit, extrait de l'album LP1. J'ai entendu hier parce que j'ai écouté un film dont j'avais déjà parlé, peut-être pas dans l'émission ici, peut-être plus à Respect les Dauphins, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle À l'Ouest de Pluton, un film québécois qui est un peu un genre de docu-fiction, mais vraiment super bon, un réalisme incroyable dans les dialogues, dans les personnages. C'est vraiment un super bon film. Je l'ai écouté hier, puis la pièce de générique à la fin, c'est la pièce Automne de Navet Confit. Donc en plus d'être un très bon film, il y a vraiment une trame sonore hallucinante. Il y a du We Are Wolves, du Les Beaux Vrouven, plein de groupes qu'on adore ici à C'est fou. C'est ça, j'ai écouté ça hier, ça m'a donné le goût d'écouter une pièce de Navet Confit tout de suite. Tiens, Automne, on l'écoute à La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Yeah. comme nous, tant qu'il reste à l'écart. Mais je t'en prie, ne me laisse pas seul au milieu de tous ces gens qui ne comprennent pas. Mais je t'en prie, ne me laisse pas seul dans cette grande ville si froide. Hey, c'est le groupe Bleu qu'on vient d'entendre avec la pièce Les Enfants Cryogéniques. C'est vraiment une très bonne pièce. Ça, c'est extrait de leur album qui date de 2005 et qui est leur seul album à vie. L'album s'appelait Comme si tout allait bien. Puis le groupe Bleu existe plus. Ça fait déjà, je pense, ça fait presque 2 ans que le groupe n'existe plus. C'est dommage. Oui, c'est ça. Donc le groupe Bleu n'existe plus. Et on va continuer tout de suite avec un autre groupe qui n'existe plus, eux non plus. Mais ça fait pas longtemps, eux, par exemple, le groupe André, le groupe qui a rendu l'âme, si on peut dire. C'est bizarre comme expression, mais bon. Le groupe qui existe plus depuis quelques semaines à peine, ça fait vraiment pas longtemps. On va entendre la pièce Plus rien à faire, extrait de l'album Les derniers modèles de la mode masculine, et ça va être suivi d'un groupe qui, lui, est encore très actif, Trois gars sur le sofa, qui d'ailleurs vont être actifs tout près de chez nous, vont être au Zénob vendredi prochain, le 5 juin. Donc on va entendre le premier extrait de leur nouvel album Cerf-Volant. La pièce s'appelle Ours et ciel, mais juste avant ça, Plus rien à faire du groupe André. Les yeux grands ouverts au creux de son lit, tu veilles sur elle et sur ce qu'elle t'a dit. Quand les malheurs s'en vont, le malheur revient. Le grincement de la nuit tire à sa fin. Serait-ce une fée ou un coup d'épée dans l'eau qui éclabousse ta vie et qui te détrempe les os? Les mots qu'elle échappe résonnent au loin. Tu retiens ton souffle ou tu lui retiens la main pour une autre qui te laisse. Y'a plus rien à faire quand c'est la mort qui te blesse. Tu te sauves ou tu restes.

Oui, donc c'est la pièce Ours et Ciel qui vient de se terminer de façon un peu abrupte du groupe Trois Gars sur le Sofa. Et puis, c'est ça, Trois Gars sur le Sofa vont être en spectacle à Trois-Rivières dans le cadre de leur tournée Crise économique. Donc, c'est au Zénob. C'est pour un prix modique. Il me semble que c'est quelque chose comme 5$ que ça coûte. Mais là, peut-être que je m'avance puis que c'est un petit peu plus. Mais quand même, c'est sûr que ce sera pas cher. C'est au Zénob. Et puis, de toute façon, peu importe comment ce sera, là, quand même que ça en serait 10, ce sera pas cher, je pense, pour aller voir Trois Gars sur le Sofa dans une ambiance aussi intime que celle du Zénob. Maintenant, je vais vous parler un peu de Dom Lebeau. J'en avais parlé un peu la semaine passée, j'avais écouté brièvement l'album, mais cette semaine, Dom Lebeau est venu à Trois-Rivières pour lancer cet album-là, Grand Naïf. Un petit spectacle comme ça qu'il a donné avec Serge-André Amine en première partie. Peut-être juste avant de parler de Dom Lebeau, j'aimerais aussi glisser un mot sur Major, justement. Serge-André Amine qui était là pour jouer les pièces du futur album de Major qui est en préparation. L'album va sortir en automne prochain. Et puis, c'est ça, il a joué uniquement des pièces du prochain album. Aucune pièce qu'on connaissait en version acoustique, seul avec sa guitare acoustique. Et même si c'est des pièces qu'on connaissait pas, qui étaient en version acoustique, c'était quand même intriguant, c'était quand même intéressant à entendre. Juste mélodie comme ça, voix, guitare, ça donnait vraiment le goût d'entendre ce qui se prépare pour l'automne prochain pour le groupe Major. On va entendre la pièce qu'on a déjà reçue de cet album-là. C'est un simple qu'on a reçu, c'est Ping Pong. Vous l'avez souvent entendu, on la joue souvent, ça a été dans le palmarès aussi. On va l'entendre un petit peu plus tard dans le prochain bloc. Juste avant ça, juste glisser un petit mot comme ça sur Dom Lebeau, j'en ai parlé beaucoup. Puis tu sais, dans le fond... je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que tu sais je l'ai déjà dit, je l'ai pas aimé tant que ça cet album là mais je vais quand même faire ressortir quelques points positifs, entre autres le fait que l'album est arrangé au complet hein, par Dom Lebeau. C'est un album entièrement indépendant. Puis ce que j'ai trouvé ça cool, c'est que vraiment c'est lui qui fait tout lui-même, pas juste côté musique, il fait le booking et tout, même le soir du spectacle, c'est lui qui avait j'ai l'impression que c'est lui qui a arrangé la salle, c'est comme lui le promoteur ou je sais pas, mais il s'implique vraiment beaucoup, c'est son projet à lui, il travaille beaucoup là-dessus, donc ça vaut quand même la peine d'en parler. Et puis qu'est-ce que je voulais dire à propos, oui c'est ça, le commentaire, le premier commentaire qu'on a souvent en écoutant cet album-là, c'est que la voix de Dom Lebeau est pas super géniale, mais moi j'ai, pour l'avoir entendu en spectacle, je suis quand même resté surpris parce que quand il chante fort, quand les pièces sont plus rock un peu, c'est vrai que la voix distorsionne un peu comme sur l'album, on n'est pas sûr s'il y a vraiment la capacité de chanter comme ça seul, en avoir un album solo, mais vraiment en spectacle. Moi, j'ai eu la preuve que oui, il y a vraiment les capacités de chanter. Et puis, on le remarque surtout sur les ballades. Il n'y en a pas beaucoup sur cet album-là. L'album est plutôt rock. Il y en a une, en fait, c'est la pièce Où irons-nous. On va l'entendre dans quelques secondes parce qu'on pourrait penser que, étant donné que c'est une ballade, on entend plus la voix, on pourrait penser que ce serait là que la voix est le moins à son avantage. Mais non, au contraire, je trouve que c'est quand sa voix est plus douce, plus posée, c'est là que sa voix sonne le mieux. J'ai resté vraiment surpris en entendant cette pièce-là live. À quel point ça sonnait bien. Donc on va l'entendre, la pièce Où irons-nous. Et sinon, ben je sais pas si ça va jouer énormément. Moi je pense que si cet album-là a du succès, ce serait plate là, que cet album-là ait du succès à cause que c'est Dom Lebeau. Mais tu sais, ça pourrait arriver quand même. C'est ça. Moi, je souhaite seulement que les gens qui aimeront l'album vont l'aimer pour les bonnes raisons, parce que pour la qualité des pièces. Moi, c'est pas un album que j'ai apprécié particulièrement. Et puis, c'est ça. On va écouter la pièce Où irons-nous. Je trouve que c'est la meilleure de l'album. C'est celle où la voix de Dom Lebeau paraît le mieux. Et sinon, surveillez le site internet de Dom Lebeau. Il y a quand même plusieurs dates qui vont venir. Des petits spectacles dans des bars, des spectacles quand même assez tranquilles. C'est ça. Où irons-nous de Dom Lebeau tout de suite à la dernière porte à gauche. Quand la musique cessera, que la visite partira, quand ce seront empilés les plats, que nous deux il restera. Quand j'aurai touché tes cheveux et que nos corps demanderont mieux, quand se refermeront nos yeux, où irons-nous? Quand quand auront passé 10 ans. À gauche, à droite, les grands dérangements. Si chez moi est toujours chez toi, Dieu seul sait où on en sera. Et quand la ville nous les gonflera, que la campagne nous appellera, pour que les petits puissent faire les fous, où irons-nous? On sait pas ce qui nous attend. Quand on aura plus tout notre temps, on l'écoulera tranquillement. Pas loin de 100 fois le tour des saisons, des souvenirs et surtout des bons. Et quand nos yeux se refermeront, où irons-nous? Thank you. Archigéant avec la pièce En pleine face. Ça, c'était une nouvelle entrée sur le palmarès francophone cette semaine. Et juste avant ça, eh bien, on avait entendu Où irons-nous de Dom Lebeau. On va faire une petite pause tout de suite, mais restez là parce que de l'autre côté, il va y avoir entre autres du Carquois, du Major et du Comme un homme libre. Changer de ville, changer les choses, pour se perdre dans les mêmes histoires qu'on

fumée, des charpentes d'os, fleuves de chair. Je voudrais avoir le moins de corps possible, grêle, fragile, translucide. Je suis en mal d'amour, comme les anges au visage pâle et aux petites mains blanches. En un de ces poitiers, d'un comme un homme libre avec la pièce Swing Away, ça date de leur album éponyme. C'est un petit EP qu'on avait reçu qui date quand même de plusieurs années. Puis la dernière fois que j'avais eu des nouvelles du groupe Comme un homme libre, c'était le guitariste Étienne Chan Can qui a aussi son projet. En fait, j'avais reçu à l'émission pour son projet Sound of Sea Animals. Et puis il m'avait parlé, il m'avait donné un scoop. Ça fait presque un an de ça, il m'avait dit que Comme un homme libre était en préparation d'un nouvel album qui était supposé sortir au printemps 2009. Mais quand on cherche des infos sur Comme un homme libre, il n'y a aucune mise à jour qui a été faite sur leur site internet depuis plusieurs mois, depuis presque l'époque où ils m'avaient parlé du futur album de Comme un homme libre. Et puis d'ailleurs, sur leur MySpace, c'est écrit en enregistrement, mais ça date de presque un an. Donc on est vraiment sans nouvelles finalement de Comme un homme libre. Et pourtant, c'était quand même une source sûre, là, un membre du groupe qui m'avait dit un album. Mais bon, c'est dommage, on a toujours cet album-là pour se consoler de Comme un homme libre. Très, très bon album. Juste avant ça, on avait entendu Ping Pong de Major et ça va vraiment se retrouver officiellement sur l'album de Major qui est prévu pour l'automne prochain. Mais bon, si je vous dis que ça vient de la bouche du chanteur du groupe, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose après ce que je viens de dire à propos de Comme un homme libre? Je sais pas, mais bon, moi, je pense que vraiment l'automne prochain, on devrait avoir l'album de Major. On a déjà l'extrait que vous avez entendu il y a quelques minutes. Le bloc avait commencé avec Carquois et la pièce à la chaîne. Ça fait longtemps de ça, hein? Plusieurs longues pièces qu'on a entendues, presque trois pièces de 5 minutes. C'est un long bloc. Et on va continuer en musique tout de suite avec le groupe Les Trompe-l'œil et la pièce Sur ton joli divan rose. Et Grégoire avec la pièce « Pendant que tu fais pipi ». Et juste avant ça, c'était les Trompe-l'œil avec « Sur ton joli divan rose ». Les Trompe-l'œil, vous savez, en fait, c'est le projet d'un seul homme, Alexandre Champigny. Maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission. On va entendre deux pièces qui sont extraites du palmarès francophone de C'est fou. La première, c'est une nouvelle entrée du groupe Cougar Cougar. C'est un album qu'on a reçu d'ailleurs cette semaine. Ça a fait le poste d'écoute aujourd'hui, en fait. Puis c'est rentré dans les palmarès aujourd'hui aussi. Donc, on va écouter la pièce Supernova de Cougar Cougar. Et ça va être suivi de la position numéro 1 du palmarès francophone cette semaine. C'est Cité Phosphore de Standing Waltz. Et puis, je pense que c'est ce qui va terminer l'émission. Ouais, donc je vais vous dire salut tout de suite. Si vous écoutez en direct les vendredis soirs, bien c'est les lutins de l'enfer qui s'en viennent. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain, 17h pour les palmarès, c'est fou, et 20h pour la dernière porte à gauche. Donc Standing Waltz et Cougar Cougar, c'est ce qu'on écoute. Et bonne semaine, bye bye.